إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سبيل الله إلا من قتل، من سعى على والديه ففي سبيل الله، ومن سعى على عياله ففي سبيل الله، ومن سعى على نفسه فهو في سبيل الله، ومن سعى مكاثرا ففي سبيل الطاغوت. رواه البزار وغيره وهو في صحيح الألباني وصححه، وفي رواية: في سبيل الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سبيل الله إلا من قتل. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ceci: est-ce que le chemin d'Allah c'est seulement celui qui s'est fait tuer, c'est-à-dire le chemin d'Allah, on va comprendre le djihad, c'est seulement celui qui s'est fait tuer, c'est-à-dire dans la guerre contre les mécréants. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من سعى على والدي ففي سبيل الله. Celui qui s'élance pour ses deux parents, alors il est dans le chemin d'Allah. C'est un djihad. Ça veut dire quoi, il s'élance pour ses deux parents? C'est-à-dire qu'il va s'élancer sur terre afin d'acquérir de l'argent, travailler pour subvenir aux besoins de ses deux parents. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ومن سعى على عياله ففي سبيل الله. Et celui qui s'élance pour sa famille, donc ceux à qui il a la charge, fafi sabilillah, alors il est dans le chemin d'Allah. Wa man sa'a ala nafsi fa huwa fi sabilillah. Et celui qui s'élance pour lui-même, dire pour se souvenir à son besoin à lui, fa huwa fi sabilillah, alors il est dans le chemin d'Allah. Wa man sa'a mukathiran, et celui qui s'élance afin d'en avoir toujours plus, c'est-à-dire que c'est pas pour subvenir à ses besoins, besoin de sa famille ou autre, c'est pour avoir toujours plus d'argent. Il s'élance sur terre afin de travailler ou autre pour avoir toujours plus d'argent. Il est dans quoi lui? Fafi sabili tarout. Il est dans le chemin du tarout. Et dans une autre version, fafi sabili shaitan. Il est dans le chemin du shaitan, du Satan. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole-là quand un jeune homme était apparu à certains des sahaba. De loin, il avait vu, il dit: ah, si seulement ce jeune homme qui avait la force pouvait aller combattre au djihad. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, comme quoi, fi sabilillah, ce n'est pas seulement le fait de combattre par les armes les mécréants. Ce hadith est apporté par Al-Bazzar, et autre que lui, et Al-Albani l'a rendu authentique dans son livre Silsilatil Ahadith al-Sahiha, au numéro 2232. Mais cela n'empêche pas qu'il faut faire le djihad par les armes, comme vous devez le savoir, et comme on va en parler, Inch'Allah, quand on arrivera sur le chapitre du djihad, dans le livre de Fiqh. Et est-ce qu'il est fard Ayn ou est-ce qu'il est fard Kifaya? D'accord, nous allons y arriver, Inch'Allah. Mais cela n'empêche pas, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a d'autres formes aussi de djihad qu'il ne faut pas aussi négliger. Et comme il y a dans certains hadiths, il y a aussi le djihad nefs, le djihad ou nefs, le djihad contre soi-même. Donc, dans le livre que nous étudions dans le Fiqh al-Shafi'i, Mukhtasar Abi Shujar, de l'imam Abu Shujar, nous avons fini le chapitre de la zakat, et maintenant nous allons rentrer dans le chapitre du jeûne, As-Sawm. On dit As-Sawm ou As-Siyam, c'est comme vous voulez, c'est le deux masdar du verbe Sawma Yasum, Siyam ou Sawm. Et la personne qui fait le jeûne, fa'a wazn fa'il, fa'huwa Sa'im, il est le jeûneur. Donc l'imam Abu Shujar, rahimallah, a dit Kitab ou Sawm, le livre du jeûne, c'est-à-dire le chapitre. Et que veut dire le mot saum en arabe linguistiquement? Pas au point de vue terme technique dans la religion, mais linguistiquement. Al-saum ou al-imsak. Le saum, c'est le fait de al-imsak, c'est le fait de se retenir. D'accord? Comme vraiment, je peux dire sumtu anil kalam al-yom, je me suis retenu de parler aujourd'hui, par exemple. Maintenant, le saum shara'an, donc dans la législation, dans la législation d'Allah Azza wa Jal, le saum, le jeûne, c'est quoi? Huwa al-imsak 'an al-muftirat min tulu'i ash-shams ila ghurub ash-shams ma'niyya. من مسلم عاقل من غير حيض ونفاس. Alors, je donne la définition du jeûne. Wal imsak, c'est le fait de se retenir. De se retenir de quoi? An al muftira, de se retenir de ce qui. Al muftira, c'est le pluriel de muftir, c'est ce qui annule le jeûne. Et donc là, on va voir ce qui annule le jeûne. D'accord? Comme par exemple, vous devez tous le savoir, le fait de manger ou de boire pendant le jeûne, ça annule le jeûne. Donc il y a aussi autre chose, comme l'acte sexuel, et on va voir. Donc le fait de se retenir des choses qui annulent le jeûne, mintolur et le fajr, à partir de l'apparition du fajr, c'est-à-dire que c'est la première lueur de la journée qui apparaît, environ une heure et demie avant le lever du soleil, environ, ça dépend de l'hiver ou l'été, il a roulou bichem jusqu'à la disparition du soleil à l'horizon, d'accord, donc jusqu'à l'heure du maghrib, c'est-à-dire qu'à partir de l'heure de ce qu'on appelle la prière de fajr jusqu'à l'heure du maghrib, mais avant, parce que dès que le soleil excusez-moi, c'est juste quand le disque solaire se couche totalement à l'horizon, donc là rentre l'heure de la prière du maghrib et là finit le jeûne, exactement. Ma'niya, avec l'intention. Ça veut dire quoi pour qu'on dit l'intention? Parce que si par exemple une personne n'a pas de nourriture, n'a pas de boisson, il est enfermé par exemple dans une prison, on ne lui donne pas à boire, on ne lui donne rien. Et bien il n'a rien mangé, rien bu, il n'a fait aucun acte aussi qui annule le jeûne, à partir du fajr jusqu'à le maghreb. Mais seulement il n'a pas d'intention d'en faire une ibada. D'accord? Donc si après quand le maghreb rentre, il fait tiens en fait, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'ai pas fait d'excès, j'ai rien fait qui annule le jeûne depuis l'heure du fajr jusqu'à maintenant. Et ben non, il n'a pas jeûné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'intention. D'accord? Il n'a pas eu l'intention depuis le début. Et on va voir par rapport à ceci. Hein. Surtout pour ce qui est le début, par rapport à un jeûne obligatoire. Mais une muslim d'un musulman, c'est-à-dire que le jeûne d'un kafir n'est pas agréable, car c'est une adoration. Allah Azza wa Jal accepte l'adoration seulement d'un croyant. Aqil, c'est-à-dire qu'il a sa raison. Quelqu'un qui n'a pas sa raison, le jeûne n'est pas valide. Comme par exemple quelqu'un qui est majnoun, qui est possédé ou qui est fou. Min ray il est haïd, sans qu'il y ait de haïd. Alors haïd, c'est ce qu'on appelle les règles, c'est pour les femmes. C'est-à-dire que vous devez le savoir, on va le voir ici, au moment où on va l'étudier. Une femme qui a ses règles, elle ne peut pas jeûner, mais c'est interdit pour elle de jeûner. Elle peut faire d'autres adorations, comme invoquer Allah, Azza wa Jalla ou autre. Mais comme elle ne peut pas jeûner, elle ne peut non plus prier. Wan nifas, c'est quoi? Et ben c'est quand une femme accouche, il y a une période, comme on a étudié ça dans le chapitre de la tahara, de la purification, il y a une période plus ou moins courte où il y a du sang de l'accouchement qui sort. Donc pendant cette période-là, elle ne peut pas jeûner ni prier. Ensuite, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit wa shara'itu wujub siyam, et les conditions de l'obligation du jeûne. Vous voyez ici, il a dit as-siyam, et avant il avait dit as-som, c'est la même chose. Siyam ou som, c'est la même chose, c'est le jeûne. D'accord? Donc les conditions de l'obligation du jeûne. Arba'atu ashiya, lui, il les a dénombrés au nombre de 4. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ces 4 conditions, on va voir, il y en a d'autres, il y a ces 4 conditions pour que le jeûne soit obligatoire. Sinon, il n'est pas obligatoire. Al-Islam, la première condition, al-Islam. Donc il faut que la personne soit musulmane. Si la personne est mécréante, le jeûne n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne l'oblige pas à faire le jeûne. Il y a une divergence aussi entre savants, à savoir, comme j'en avais déjà parlé avant, que est-ce que les mécréants seront châtiés le jour de la résurrection, quand ils iront en enfer, par le fait qu'ils n'ont pas prié, n'ont pas jeûné, ils n'ont pas fait donner la zakat, etc. Il y a une divergence entre savants sur ça, est-ce que oui non, ou non, les mécréants qui sont morts sur la grande mécréance, est-ce que oui ou non, ils seront châtiés ou pas par rapport aux actes de la loi d'Allah Azza wa Jal qu'il a fait descendre pour toute l'humanité. Il y a une divergence. Mais concrètement, c'est cette divergence-là, c'est une divergence assez plus ou moins théorique, même plus que théorique qu'autre chose, que quelque chose de concret pour nous dans ce qui est dans ce bas monde, parce que les savants sont tous d'accord que, par exemple, même ceux qui disent que le mécréant, s'il ne jeûne pas, eh ben, il ira en enfer. Quand il sera en enfer, il sera châtié en plus pour le fait qu'il n'ait pas jeûné, et que même s'il jeûne, en fin de compte, il sera quand même châtié parce que son jeûne n'est pas accepté. Et bien ceux-là aussi disent qu'on n'a pas demandé aux mécréants de faire le jeûne. Donc on est tous d'accord. Donc par rapport à ce qui aux choses concrètes, nous sur Terre, que oui ou non, les mécréants seront châtiés par le fait qu'ils ont désobéi à Allah Azza wa Jal sur les lois, ça nous concerne pas par rapport à notre comportement vis-à-vis d'eux sur Terre. On ne les oblige pas à prier, ni à jeûner, ni à donner un zakat, etc., à faire toutes ces adorations. Deuxième condition, la puberté. D'accord? Donc il faut que la personne soit pubère pour que ça soit obligatoire. Ça, donc c'est à partir de la puberté que le jeûne devient obligatoire. La puberté, comme on avait dit, c'est pour ce qui est homme et femme confondus, c'est trois choses. Quand un des trois signes arrive, donc la personne est pubère, donc elle est responsable de ses actes et paroles. C'est pas la majorité à 18 ans, mais c'est avant. C'est quand l'homme ou la femme a son appel yartilam, c'est-à-dire quand il y a le mani qui sort pour l'homme ou la femme. Deuxième chose, quand des poils poussent au niveau de l'aine. Et troisième chose, c'est 15 ans année lunaire, pas année solaire. Et la quatrième chose qui est spécifique aux femmes, c'est quand une femme a ses, à la haïd, ses règles. Et cela ne peut pas être avant 9 ans. Année lunaire, toujours. Quand on parle, comme je l'ai dit, quand on parle dans le fiqh, on parle toujours en année lunaire et pas en année solaire. Troisième condition, voilà, l'aql, la raison. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est majnoun, par exemple, qui est possédé, qui est fou, eh bien, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Quatrième condition, wal-kudratu al-sawm, et la possibilité du jeûne. La possibilité du jeûne, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas jeûner parce que sinon le jeûne va lui porter préjudice à sa santé, d'accord? Eh bien, c'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Ça peut aller même à l'interdiction, au haram, si aussi il jeûne et que ce jeûne va en lui entraîner la mort, et bien là, en fin de compte, ici, il croit bien faire, mais en fin de compte, il fera mal, et il sera châtié pour ça, parce qu'en fin de compte, il a fait une cause qui l'amène à la mort, et qui le savait, alors que Allah Azzawajal ne l'avait pas rendu obligatoire, ni même le fait que ça soit mustahab, quelque chose de bien. Il y a une autre condition pour que le jeûne soit obligatoire que l'imam Abu Shouja, rahimahullah, ici n'a pas noté, c'est l'iqam, la résidence. C'est-à-dire que le voyageur, comme vous devez le savoir, je pense, le voyageur, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. D'accord? Il peut jeûner, il n'y a pas de problème, son jeûne est accepté, même si c'est un jeûne obligatoire. À une divergence entre les savants, est-ce que c'est le mieux qui jeûne ou pas? Ça, c'est une divergence sur ça, mais le jeûne est accepté. Par contre, c'est pas obligatoire. Si celui qui est en voyage, même s'il n'éprouve pas de fatigue ou quoi et qu'il ne veut pas jeûner, il ne jeûne pas, ce n'est pas obligatoire. Et là, comme a dit l'imam Mouchoujar, ce sont les conditions de l'obligation du jeûne, pas de la validité du jeûne, de l'obligation du jeûne. Les conditions de la validité du jeûne, c'est ce que je vous ai cité au début en donnant l'explication du jeûne, qu'est-ce que c'est. Ensuite, l'imam Abu Shujar, rahimahullah, a dit « Wa fara'idu sawm arba'atu ashiya » et les obligations du jeûne sont de quatre choses. C'est quatre choses, d'accord? Il y a quatre choses qui sont obligatoires dans le jeûne. La première, « an-niyya », l'intention. Comme je vous l'ai dit l'exemple juste avant, il faut avoir l'intention. Quelqu'un qui va jeûner, qui ne va pas manger, ni boire, ni avoir d'acte sexuel pendant toute la journée, s'il n'avait pas eu l'intention que c'était pour un acte d'adoration, d'accord, pour Allah Azzawajal, eh bien, par exemple, il n'a pas eu faim, ni il a eu soif pendant toute la journée ou autre, eh bien, ceci n'est pas un jeûne, ce n'est pas une adoration. Il faut avoir un niya, l'intention. Et ça, c'est, comme je vais vous lire la notation, in kana sawm fardan fala budda min iqa' an-niyya laylan. Si le jeûne, c'est un jeûne obligatoire, que ce soit un jeûne obligatoire par rapport au mois de Ramadan, dans le mois de Ramadan ou pour rattraper un jeûne du mois de Ramadan, du mois de Ramadan, ou un jeûne obligatoire, tout jeûne obligatoire, c'est-à-dire par exemple un nadr, un vœu pieux. Astaghfirullah, excusez-moi. Un vœu pieux, un nadr, ou un kaffara, ou une expiation d'un péché. Et là, qui est obligatoire. Donc, si c'est un jeûne obligatoire, de n'importe quelle obligation que ça vient, il faut absolument que la niya soit faite dans la nuit. C'est-à-dire dans la nuit, juste au minimum, juste avant que rentre l'heure du fajr. Exemple, si l'heure du fajr commence à, on va dire, 5h30 du matin, il faut au moins qu'à 5h29, il ait eu l'intention de jeûner à partir de la journée qui va arriver. si jamais l'heure du fajr est rentrée et qu'après il dit tiens, l'heure du fajr est venue, oh bah tiens, aujourd'hui je vais jeûner un jeûne obligatoire de rattraper, pour rattraper par exemple un jour que j'ai pas jeûné dans le Ramadan, et ben ce n'est pas bon. Il fallait avoir l'intention avant que le fajr soit rentré dans la nuit, d'accord? Pour certaines personnes qui des fois posent cette question, est-ce qu'il faut absolument avoir l'intention juste avant le fajr, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être éveillé avant que l'heure que le fajr va venir? Non, l'intention c'est dans le cœur. Et par exemple, si la personne avant de dormir à 8h du soir, il sait, d'accord, c'est l'intention, il sait que demain il va jeûner un jeûne obligatoire, c'est bon, il n'y a pas de problème. S'il le sait, c'est bon. Et il n'a pas du tout, c'est pas obligatoire, mais c'est une bid'a de citer à voix haute, à voix basse en disant demain je jeûne le troisième jour de Ramadan par exemple, etc. Ça c'est une bid'a. Il faut juste qu'il sache que demain il jeûne. C'est-à-dire que c'est comment ça? C'est-à-dire que si une personne lui vient, lui tape sur l'épaule, il fait hey, demain tu jeûnes? Il fait oui, bien sûr, je jeûne le mois de Ramadan demain. Et bien c'est ça, Al-Niyya. C'est le fait de savoir ce qu'on fait. Voilà. Ça c'est pour un jeûne obligatoire. Et la parole la plus juste, Inch'Allah, c'est que quand c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire, quand c'est une sunna, comme par exemple le jeûne de Ashura, j'en profite pour vous rappeler que le 10e jour du mois de Muharram, car là nous sommes rentrés au mois de Muharram. Alors, je prends mon petit calendrier comme tout le monde, et je dirais entre parenthèses malheureusement. Et donc apparemment nous sommes rentrés dans le mois de Muharram le samedi. On ne va pas rentrer dans la fitna, savoir si c'était vendredi ou dimanche ou quoi, avec les divergences. D'accord? Celui qui pense que c'était vendredi ou dimanche, c'est comme il veut. Il faut qu'il soit sincère envers Allah. Donc apparemment, ça serait on est rentré dans le mois de Muharram ce samedi-là qui est passé, d'accord? Donc il y a 3 jours. Et comme vous le savez, donc nous sommes rentrés en quelle année? En 1436. Donc maintenant nous sommes en 1436 parce que le mois de Muharram, comme vous le savez, est le premier mois de l'année. C'est pas le mois de janvier, hein, en année lunaire. Et donc en prenant le premier jour de Muharram était le samedi, ça voudrait dire que le 10 du mois de Muharram, ça correspond au lundi 3 novembre. Donc d'accord, c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire mais qui est recommandé bien sûr. Celui qui ne fait pas, il n'a pas de péché, mais il n'est même pas blâmé ni rien, ce n'est même pas macro de ne pas le faire. Et la récompense, comme a dit le prophète, c'est que l'année qui est passée, et ben les péchés de l'année passée sont expiés par ce jeûne. Et il est bon aussi, comme le prophète voulait le faire, de jeûner un jour avant, qui est le neuvième jour du mois de Muharram, et qu'on appelle donc Tasoura. Ceux qui veulent, je ne vais pas dire tout en détail, hein, j'ai dit Inch'Allah assez, ceux qui veulent voir les divergences ou autres par rapport à ce qu'on jeûne ou qu'on jeûne aussi, un jeûne un jour après, etc., il faut aller voir dans les livres de fiqh qui sont assez bien développés, ou des petits livres qui développent ce sujet-là. On n'a pas le temps, sinon ça prendra trop de temps. Comme je l'ai dit, le livre de fiqh qu'on fait, c'est un livre de fiqh où il y a les bases en étudiant tous les chapitres, sans exception, d'accord, même le jihad, même la ridda, même l'apostasie, ou l'héritage, ou la vente, tout ça est dit, et c'est les bases. Et on peut dire c'est le minimum obligatoire que tout musulman doit connaître quand il doit faire une chose. Voilà. Donc pour revenir au jour de Ashura, c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire. Et donc, la niyya, ce n'est pas obligatoire pour que ce jeûne soit valide. Ce n'est pas obligatoire que la niyya a été faite dans la nuit, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le fajr. Mais il faut que ça soit fait, il faut que la niyya, avant que l'heure de Zohr rentre. C'est-à-dire, une personne, par exemple, on va dire que donc, comme j'ai dit, on va dire que le Ashura c'est donc le lundi 3 novembre. Quelqu'un s'endort, d'accord, il va se réveiller à 10h du matin, par exemple, parce qu'il a beaucoup travaillé, et donc il ne s'est pas réveillé, il n'a pas le réveil sonné ni rien, donc il n'a pas de péché par rapport à la prière qu'il n'a pas fait à son heure, mais son heure devient là où il s'est réveillé, d'accord, il n'a pas fait exprès. Hein. Donc il fait sa prière de fajr, tout ça, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, rien. Et puis il y a par exemple quelqu'un de sa famille qui va dire, tiens, aujourd'hui c'est Ashura, tu devrais jeûner. Puis il fait dire, bah tiens, j'ai pas mangé depuis le fajr, ni bu ni rien. Et ben je fais ce jeûne du mois de Ashura, et là c'est bon, parce qu'il a eu la niya avant le zor, avant la prière de Dhuhr. Donc le jeûne est bon parce que c'est pas un jeûne, ce n'est pas un jeûne obligatoire. Donc la niya est autorisée à ce que ça soit, comment dirais-je, non pas dans la nuit, mais que ça soit au minimum avant le Dhuhr du jour de là où il jeûne. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il ait jeûné, même si c'était sans intention, bien sûr, il ne faut pas qu'il ait mangé ou bu ou fait autre chose qui annule le jeûne durant, avant qu'il ait l'intention dans cette période de la journée. Je continue. Donc, la première obligation parmi les quatre qu'a cité Abu Hurayra, c'est Niyya, l'intention. On a vu l'heure, le moment de l'intention, quand est-ce qu'il faut l'avoir au minimum. Ensuite, il a dit Walimsak anil akl wa shurb, et le fait de se retenir, de manger et de boire. D'accord. Wa al-Razzi rahimahullah a dit wa in qala al-ma'kul wa mashrub 'ana ta'mud, et même si la chose mangée ou la chose bue est peu, d'accord, même si c'est très très peu, 'ana ta'mud, quand c'est volontaire. Pourquoi quand c'est volontaire? Fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir, parce que s'il a mangé ou bu, bien sûr, en oubliant, c'est-à-dire qu'en oubliant qu'il jeûnait, ou jahilan, ou en ignorant, d'accord, en ignorant par exemple que c'est qu'il ne fallait pas le faire, comme par exemple qu'il vient juste de rentrer dans l'islam et qu'il savait pas, il fait ouais aujourd'hui je jeûne, mais il savait pas par exemple qu'il fallait pas manger ou qu'il fallait pas boire, etc. Lam yuftir, alors il n'a pas rompu le jeûne, d'accord, mais comme on trouve dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fin de compte, c'est Allah azawajal qui l'a abreuvé ou qui l'a nourri. Donc c'est quelqu'un, d'accord, quelqu'un qui jeûne, qui va boire en oubliant qu'il était en état de jeûne, d'accord, ou manger sans faire exprès, ce n'était pas volontaire, et après par contre au moment où il se rappelle, oh, mais oh subhanallah, là je suis en train de jeûner, et ben hop, il enlève le verre de la bouche, d'accord, et la nourriture, et il arrête, et son jeûne est bon, même si c'est un jeûne obligatoire, d'accord. In kana qariba ahd bil-islam, d'accord, comme il a dit, in kana qariba ahd bil-islam, si il est proche de l'époque de l'islam, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, si jamais était ignorant, c'est-à-dire que si c'est un tout nouveau converti et qu'il a mangé ou qu'il a bu pendant le jeûne, alors qu'il avait l'intention de jeûner mais qu'il savait pas toutes les règles du jeûne, donc là ce n'est pas grave, on l'informe, mais il faut que ça soit au début de son islam, parce que après l'ignorance n'est pas excusée, d'ailleurs on va étudier ça dans le noir de l'islam par rapport à l'acte de l'ignorance, l'excuse de l'ignorance qui est valable dans certains shirk et certains kufr, d'accord, comme on va voir, certains kufr, et qui est aussi valable dans les lois, comme par exemple ici. Alors, comme dit aussi le Razi, ou nasha ba'idan anil ulama wa illa aftar, et même si, ou par exemple qu'il a vécu loin des savants, c'est-à-dire que loin de la science, une personne qui est musulmane, d'accord, de famille musulmane, etc., mais qui habite très loin et qui de la sorte, c'est-à-dire qu'il a par exemple dans une montagne, dans un tout petit village où il n'y a pas de savants, il n'y a pas de livres et tout ça, s'ils ne sont pas au courant de certaines lois, ils sont excusés, d'accord, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de comment dirais-je, de savoir ces choses-là. Troisième chose obligatoire afin que le jeûne soit valide, Wal Jimar, c'est l'acte sexuel, d'accord. Donc si il faut pas faire d'acte sexuel, sinon le jeûne n'est pas valide. Amidan marachat el akl sabik, bien sûr, il faut que ça soit amidan, donc volontaire. Si la personne, pareil, s'il fait un acte sexuel involontaire, c'est-à-dire qu'il avait oublié, d'accord, ou qu'il ne savait pas que c'était interdit et qu'il est proche de l'islam, d'accord, ça fait pas longtemps qu'il est musulman, donc il a pas pu apprendre toutes les lois. Ou alors, comme le deuxième exemple, d'ailleurs, deuxième cas plutôt, hal, deuxième état, qui est la personne qui habite loin de la possibilité de se renseigner sur la religion, et bien lui, il est excusé. Comme on va voir d'ailleurs bientôt, Inch'Allah, dans l'Amarcode de l'islam, dans les annulations de l'islam, par rapport, comme je l'ai dit, à l'excuse de l'ignorance, qui c'est qu'on ignore, qui c'est qu'on excuse pour l'ignorance, et ces deux cas, comme ici a cité Al-Razi par rapport aux jeunes, on en dit aussi, ainsi que d'autres pour ce qui est de certains coufres, comme on va voir Inch'Allah. Quatrième chose qui annule le jeûne, donc il faut absolument ne pas faire, et le fait de vouloir volontairement vomir, d'accord, on dit aussi en arabe le fait de vomir volontairement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade et qui vomit D'accord? C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis les deux doigts dans la bouche pour vomir, mais il vomit. Ce n'est pas volontaire. Le jeûne est bon. Mais si jamais volontairement il se fait vomir, là, son jeûne est rompu. Et donc, comme c'est dans le hadith, si le vomi prend le dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait un acte qui va être, qui, par exemple, comme on fait généralement, on met les deux doigts dans la bouche afin de se faire vomir, si c'est s'il vomit involontairement, et là, ce n'est pas question d'oubli ou quoi, hein, même s'il sait que le fait de vomir rompt le jeûne, mais il va vomir involontairement, eh bien cela ne rompt pas le jeûne, mais s'il se fait vomir lui-même volontairement, donc là le jeûne est rompu. Ensuite, je vais voir si on continue, parce que là il est déjà moins 4, et après il y a Mufsidat ou Somme, après il y a les choses qui annulent le jeûne, comme on va voir. Et oui, il a cité 10 choses, donc ça prend un peu de temps. On va le remettre ça à demain, Inch'Allah, et là on va rentrer dans le cours du Tawhid. Je vais vous laisser l'écriture afin de vous laisser poser des questions sur le cours et pas sur autre chose que le cours, pas sur le fiqh que je vous rappelle encore en général, mais sur le cours qu'on vient de faire. Barakallahu fikum. Et ensuite on prendra dans le Tawhid. Est-ce le fait est de vomir involontairement en ravalant le vomi, une très petite quantité, est-ce que ça annule le jeûne? Alors, toute chose, comme certains disent, certains savants disent que le fait de ce qu'on appelle la morve, le fait d'avaler la morve, ça annule le jeûne. Mais la parole la plus juste, c'est que le fait d'avaler la morve, ça n'annule pas le jeûne, mais par contre, ce n'est pas bon. Il est demandé que si on a de la morve, de la jeter. Mais si jamais on la lave, ça n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de l'extérieur du corps que l'on fait rentrer, mais c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur du corps. D'accord? Ça, c'est la parole la plus juste, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Donc, pour ce qui est le vomi, c'est pareil. Si le vomi n'est pas sorti de la bouche, d'accord, ne sort pas, et que la personne le ravale, bi'idhnillah, ça ne rompt pas le jeûne. Par contre, bien sûr, s'il est sorti, il ne faut pas le faire re-rentrer. D'accord? Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Autre question. Pour la niya, peut-on mettre l'intention au début du mois de Ramadan pour tout le mois? Oui, on peut. On peut, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit, il faut que la personne sache, d'accord, non pas qu'il le prononce, mais qu'à chaque jour ou à chaque nuit du mois de Ramadan, il sache, même si c'est d'une manière fitra, d'une manière naturelle, il sait que demain il va jeûner, d'accord. Et ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à chaque soir du Ramadan pour le lendemain, se dire soi-même à l'intérieur, demain je jeûne le mois du Ramadan. Et hop, l'autre soir, demain se dire soit à voix basse, soit à voix haute. Ça, ce n'est pas du tout obligatoire, ni même demandé. Il faut juste que, comme je vous l'ai dit l'exemple, si quelqu'un lui dit dans une soirée, dans une nuit du mois de Ramadan, et qu'il lui tape sur l'épaule, qu'il fait, oh, demain tu jeûnes, bah, l'autre d'une manière innée, naturelle va dire, bien sûr que demain je jeûne Ramadan, et bien il y avait l'intention. Voilà. D'accord? Par contre, s'il n'y avait pas ça, il n'y a pas l'intention. Wa fiqh barakallah. Ah, Ah, est-ce que je mette en ligne le ah oui alors tout à l'heure là j'ai oublié de mettre aujourd'hui le cours sur la chaîne YouTube. Barakallahu fikoum, je vais le faire inshallah demain. Je mettrai les deux cours demain inshallah. J'avais quelque chose à faire aujourd'hui, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas trop bien pensé. Demain inshallah je le mettrai, ainsi que le cours d'aujourd'hui inshallah. Barakallahu fikoum. Je vois qu'il y a un pseudo qui a levé la main, apparemment pour parler. S'il veut parler, il pose la question en écriture. Inch'Allah, maintenant je me refuse de donner le micro pour pas qu'il y ait de débordement. Éventuellement, je peux donner le micro si vraiment je connais la personne, mais sinon, tout le monde peut écrire. Donc la personne qui lève la main, s'il a quelque chose à demander, il a qu'à écrire. Je le remercie. Apparemment, il n'y a plus de questions, donc on va commencer le cours de Tawhid à ce moment-là. Alaykoum salam, wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc, le cours du Tawhid. Et oui, bah oui, alhamdulillah, oui, exact. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer cette risala, cet épître du cheikh Mohamed Ibn al-Wahhab rahimahullah, qu'on intitule par Nawaqid al-Islam, les annulations de l'islam. Donc ce qui fait que la personne sort de l'islam et donc n'est plus musulmane. La personne n'est plus musulmane, mais elle devient mécréante et apostate. Donc il vient kafirun kufran akbar wa murtad. D'accord. Quelles sont ces 10 annulations ou ces 10 annulatifs que le cheikh Mohamed Ibn al-Wahhab rahimahullah a cité, et on va expliquer plus ou moins en détail ces 10 annulatifs ou annulations. D'ailleurs, entre guillemets, si quelqu'un sait ce qu'il y a mieux de dire en français, est-ce qu'il sait mieux de dire annulatif ou annulation, qu'il le dise. Ça m'intéresse parce que là, je ne peux pas aller voir sur le dictionnaire, est-ce qu'il faut dire annulation ou annulatif. Wallahu a'lam. Abu Mourad me dit annulatif. D'accord. Donc les 10 annulatifs. Parce que. Ouais, d'accord. Ok. Baraklou fik. Donc le cheikh Mohamed Ibn al-Wahhab rahimahullah a dit Nawaqid al-Islam. Les annulations. Pardon, les annulatifs de l'islam. Alayhi salam wa barakatou. Ya Abu Mourad. Donc il a dit I'lam. Sache. Anna Nawaqid al-Islam ashara. Que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10, ashara. Et là, je vais commencer déjà maintenant à le dire des annotations. Donc là, c'est pas dans ce que lui dit, mais dans les annotations que moi j'ai notées. Je vais commencer par une chose que le cheikh, notamment Mohammed Ibn al-Wahhab rahimullah, cite assez fréquemment dans ses livres. D'accord. Et comme normalement vous pouvez le trouver dans les 10 points de la sirah du prophète, il y a une petite risala qui est très intéressante du cheikh Mohammed Ibn al-Wahhab rahimullah, qui s'appelle les 10 points de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dedans il le cite, ainsi que dans d'autres de ses ouvrages. C'est quoi? Irtadda aktharu al-arab ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqatalahum Abu Bakr ma'a ijma' al-sahaba ala ridda. C'est quoi? Et ben c'est que la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, sauf un tout petit peu, sauf très peu, des Arabes, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont devenus apostats, mécréants apostats, par diverses sortes d'apostasie. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, avec l'unanimité des sahaba, les a combattus par les armes, à la ridda, sur l'apostasie. Alors que c'était des apostats. Qu'est-ce que cela veut dire et implique? Beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, on ne s'étonne pas si à une époque, parmi les époques, beaucoup de gens deviennent mécréants, deviennent apostats, wa ra'yadu billah, et le secours est auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que comme vous devez le savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que les meilleures époques, c'est son époque à lui, ensuite celle qui viendra après et celle qui viendra après. Et donc ça s'est passé dans l'époque des sahaba, juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si la meilleure époque, c'est l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait, et ensuite la meilleure époque, celle qui vient après, donc ça c'est dans la deuxième meilleure époque. Dans la deuxième meilleure époque, la majorité des gens, la majorité des musulmans ont apostasié. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, avec tous les sahabas, les ont combattus, ces mécréants, pour les faire revenir dans l'islam ou les tuer. C'était clair. Ça veut dire qu'on ne s'étonne pas si à notre époque, qui est moins bonne que l'époque des sahabas, bien entendu, eh bien, une majorité de gens dans un pays ou dans plusieurs pays, d'accord, deviennent mécréants. Il n'y a aucun empêchement dans la religion, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, à ce qu'à une époque donnée, la majorité, je dis bien pas la totalité, la majorité des gens qui sont musulmans apostasient. Ça s'est passé dans la deuxième meilleure époque, il n'y a aucune raison, aucun empêchement que ça ne se repasse pas après. Par contre, il y a une chose qui est impossible, c'est que depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, d'accord, jusqu'au jour de la résurrection, il y aura toujours au minimum un petit groupe, si ce n'est vraiment très petit, de musulmans sur la terre. C'est-à-dire que l'islam ne pourra jamais, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, ne pourra jamais ne pas être sur la terre. Ça, c'est clair. Notamment par le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tazalu ta'ifatun min ummati dhahin 'ala al-haq. Il y aura toujours ta'ifa, c'est un groupe, voire petit groupe de ma communauté qui sera apparent sur la vérité. D'accord ? Hatta yati amrullah, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Il y a plusieurs versions. Donc là, on sait par rapport notamment à ce genre de hadith qu'il y aura toujours au minimum un petit groupe sur terre qui sera toujours musulman. Par contre, comme je l'ai dit, il n'y a aucun empêchement ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans l'Ijma ou autre, comme quoi, à une époque, il est possible que la majorité des musulmans deviennent murtadoun, deviennent apostats. Voilà. Sinon, on tire aussi de cet événement que ceux qui apostasient, eh bien, il faut les combattre pour les faire revenir à l'islam, sinon on les tue. Et comme on verra aussi dans le fiqh du jihad, on ne prend pas de jizya pour le murtad. Il y a unanimité sur ça. Parce qu'il y a plusieurs sortes de mécréants. Dans le sort, il y a plusieurs religions de mécréance entre guillemets. Il y a bon, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les athées, et aussi les apostats. Les apostats, il y a ijma, il y a unanimité des savants, comme quoi on ne prend pas la jizya d'un murtad. Murtad, soit il revient à l'islam, ou soit on le tue, il n'y a rien d'autre. Et on verra en détail, Inch'Allah, notamment avec la divergence, comme je crois que je vous ai déjà parlé, pour la femme dans le mazhab al-Hanafi. La femme, chez eux, la femme murtad dans le mazhab al-Hanafi, ne la tue pas, mais ils la mettent en prison jusqu'à ce qu'elle se repente, donc elle revienne à l'islam, ou qu'elle meure en prison. قال النبي صلى الله عليه وسلم donc le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم a dit لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري. Donc je vous traduis, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yarmi rajulun rajulan bil fusuk. Un homme ne lance pas sur un autre homme el fusuk, c'est-à-dire le fait de dire qu'il soit fasir, c'est-à-dire le fait de dire qu'il a fait un grand péché, et donc c'est un son, comme on l'a déjà dit, le terme fasir, qui linguistiquement veut dire transgresseur, d'accord, et non pas pervers. Pervers, c'est une sorte parmi le fasir. Du verbe fasaka an. Anil-am, c'est-à-dire transgresser de l'ordre. Donc, il n'y a pas une personne qui dit à une autre personne que cette personne a effacé, voilà yarmihi bil kufr, ou qu'il lui lance le kufr, c'est-à-dire qu'il l'accuse de kufr, comme quoi il est kafir, il l'artaddat ali, sans que cette accusation retourne sur lui, in lam yakun sahibu kadalik, si son compagnon, donc la personne à qui il a accusé, n'est pas comme ça, n'est pas comme il l'a prétendu, d'accord. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et c'est le numéro 6045. Ça cette prononciation là comme elle est, c'est dans Sahih Bukhari. Par contre, il y a d'autres prononciations où ils sont dans Sahih Bukhari et Muslim. Donc là on voit qu'une personne qui accuse une autre personne de kufr ou de fousouk. C'est-à-dire que moi, par exemple, une personne, un musulman, va dire d'un autre musulman, lui, il boit de l'alcool. C'est un fasir. Si jamais ce n'est pas vrai, il a menti sur lui, eh bien, cette accusation revient sur lui, donc c'est lui le fasir, celui qui fait un grand péché. Et comme a dit le prophète, celui qui accuse une personne de mécréance, il dit, ouais, lui là-bas, c'est un mécréant. Un tel, c'est un mécréant. D'accord ? Et que ce n'est pas comme il l'a dit, eh bien, cette mécréance, de billah, revient sur lui. Voilà. Donc, ce qu'on en sort de ce hadith, c'est qu'il faut faire très attention quand on va faire un tafsir ou un takfir. Un tafsir, c'est de dire d'une personne que c'est un fasir. D'accord ? C'est-à-dire quelqu'un qui fait un grand péché. Et un takfir, c'est de dire à une personne que c'est un kafir, un mécréant, il est sorti de l'islam. Notamment, ou alors qu'il là, c'est dans le sens sortir de l'islam. Et le tabdir, le fait de dire une personne c'est un mubtadir, c'est un tafsir. C'est un tafsir, quoi. D'accord ? C'est un tafsir, quoi. Le fait de dire une personne, lui, c'est un mubtadir, donc la personne fait un tabdir. Et donc le tabdir rentre dans le tafsir. Si le tabdir n'est pas, si la bida n'est pas une bida mukafira, une bida qui rend mécréante. Ça veut dire qu'on ne dit pas d'une personne un tel ou un tel, c'est un mubtadir. Et si la personne n'est pas comme ça, eh bien ce tabdir revient sur la personne. Pourquoi ? Parce que le fasir, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui fait un grand péché. Et parmi les grands péchés, il y a le fait de boire de l'alcool, il y a le fait de faire de la bida, il y a le fait de faire zina, de voler, etc. Donc une personne qui accuse une autre personne d'un grand péché et que ce n'est pas le cas, cette accusation revient sur lui, waliyad billah. D'accord ? Que ce soit un grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam ou du coup, c'est-à-dire le péché qui fait sortir de l'islam. On retire de ce hadith et de ces hadiths qui s'apparentent à celui-ci. On en sort quoi ? Qu'il faut faire très attention quand on accuse des gens. Il faut vraiment avoir des preuves que ce qu'on dit c'est une bid'a ou c'est un grand péché ou du coup akbar et que la personne l'a vraiment fait et que, comme on dit, l'argument a été mis sur lui. Donc, apparemment des personnes parlent. J'ai oublié d'enlever, excusez-moi. Voilà. Bon, voilà. Donc, je reviens. Oui, donc là, quand on fait un takfir ou un tabdir ou n'importe quel autre tafsir, il faut faire très attention parce que si jamais ce n'est pas vrai, cela revient sur nous. Voilà, yadu billah. D'accord ? Donc on ne prend pas ça à la légère. On remarque aussi, si vous lisez des livres de savants, de même avant cette époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours mis en garde le fait d'accuser les gens de kufr ou de fousouk, d'accord ? Et que ce n'est pas vrai. Par contre, il n'a pas mis en garde d'une manière claire, comme pour ceci, le fait de se tromper sur la mécréance d'une personne. Je m'explique. Une personne se prétend musulmane. D'accord ? Or, en fin de compte, elle a fait une ridda, elle a fait une apostasie. Et la personne, par exemple moi, j'ai un doute, est-ce que oui, cette apostasie, en fin de compte, cette apostasie, est-ce qu'elle est bien mise en place ou pas ? Ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser l'islam. Je lui dis non, il reste musulman, pour moi je ne peux pas lui faire un takfir sur lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Je laisse l'islam, donc il est toujours musulman, d'accord ? Je le déclare toujours musulman. Je me suis trompé, parce qu'en fin de compte c'est un murtad. Est-ce que c'est aussi grave que le contraire ? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui se prétend musulmane, et que moi je vois quelque chose en lui qui s'apparente à l'apostasie. Et je fais lui c'est un murtad, c'est un apostat, je me suis trompé, alors qu'en fin de compte c'était un musulman, c'était un musulman. Tous les hadiths qui donnent à faire attention, c'est dans ce cas-là. D'accord ? On fait plus attention. C'est plus dangereux, beaucoup plus dangereux de se tromper sur le ridda d'une personne que sur l'islam d'une personne. D'accord ? On va revoir ça aussi avec notamment une parole d'un savant d'avant qui va... On va voir ça, Inch'Allah. D'ailleurs, ça va être... c'est juste maintenant, Inch'Allah, je vais vous lire une parole de l'imam Al-Qadir Iyad, Rahimahullah, qui est décédé en 544 de la Hijra. Donc ça fait environ 900 ans qu'il est décédé, Rahimahullah, qui était un grand savant notamment dans le Mazhab Al-Maliki, dans son livre qui s'appelle Shifa, au tome numéro 2, à la page 277. où il rapporte une parole des al-ulama al-muhaqqiqin, des savants qui sont pointus, c'est-à-dire qui vérifient les choses, c'est-à-dire qui prennent pas seulement de leur manzab point, mais c'est-à-dire qui vont vérifier, vont faire des vérifications. Ce sont les savants qui sont assez pointus. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait ceci: Inna istibahata dima' al-musallin al-muwahhidin khatarun. Certes, rendre mubah, c'est-à-dire rendre halal, rendre autorisé les sangs des prieurs et muwahhidin, donc c'est-à-dire ceux qui font le tawhid, donc des musulmans, khatarun, est un danger. C'est dangereux. Ensuite, il dit Wal khata'u fi tarki alf kafir ahwanu min al khata'i fi safki mihjamatin midami muslimin wahid. Écoutez bien ce que donc ces savants d'avant disaient. Wal khata'u fi tarki alf kafir. Le fait de se tromper dans le fait de laisser 1000 mécréants. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a 1000 personnes qui se prétendent musulmanes, d'accord? Et en fin de compte, ce sont des murtadoun, ce sont des apostats. Et on va se tromper, on sait pas, on n'a pas trop vu, en fin de compte, la ridda, on l'a pas saisi, et on va leur donner l'islam, enfin, on leur laisse l'islam, ben, d'accord? Donc, ils sont musulmans. Et on se trompe, en fin de compte, ce sont des mécréants. Et bien, il dit que se tromper dans ça, ahwan, c'est plus léger, min al khata, que de se tromper, Fisaf qui mihjamatin midamin muslim wahid, que le se tromper dans le fait de verser l'équivalence d'un verre de sang d'un seul musulman. Verre de sang de là où on prend le sang de la hijama, d'accord? Mihjama, c'est le verre, el koub, que l'on sert pour faire qu'on récolte le sang de la hijama, d'accord? Midamin muslim wahid, d'un seul musulman. J'espère que c'est compris. Donc, il vaut mieux se tromper en donnant l'islam à une personne qui, en fin de compte, ne méritait pas, que de donner la ridda, l'apostasie, à une personne qui, en fin de compte, qui ne le méritait pas, en fin de compte, qui était vraiment musulman. Il faut faire très attention, il faut partir quand on fait un takfir, quand on fait le takfir, il faut partir avec cette base-là que le prophète sallam nous a donnée dans le hadith et dont les savants ont bien spécifié, comme je l'ai dit ici. Par contre, quand il y a une ridda qui est sariha, qui est claire, bawah, d'accord, clair, comme on verra dans certains hadiths, là, il n'y a pas à hésiter. D'accord? Mais, comme je vous l'ai dit, là-bas, c'est qu'il faut faire attention, voire même très attention. Voilà, ça, c'est le, comment dirais-je, le prélude par rapport à ça. Qu'il faut faire attention, mais certains, bien sûr, vont dans l'extrême, c'est même pas eux qui font attention, qu'il y a certains s'interdisent de faire tout takfir, et là, ils sont tombés dans l'autre extrême. D'accord? Quand on n'a pas à tomber dans cet extrême-là. Quand Ibn al-Wazir, rahimahullah, donc un savant qu'on appelait Ibn al-Wazir, le fils du ministre, qui est décédé en 822 de la Hijra, a dit ceci. Inna takfir, certes le takfir, je vous rappelle que le mot takfir, c'est le masdar du verbe kaffara kafiru, mukaffiran, donc celui qui fait le takfir s'appelle un mukaffir, d'accord? Et que ce terme était utilisé depuis toujours, et jusqu'à maintenant, par les savants, par les chouyours, d'accord, du bien, et cela n'est pas du tout péjoratif, le fait de l'employer. Il le dit, et donc il dit, inna takfir, donc le fait de déclarer une personne kafir. Ça, il ne va pas dire que c'est mauvais, pas du tout. Car pourquoi? Parce que comme dit certains savants, « At-takfir hukmun shar'i ». Le takfir, c'est une sentence shar'i qui est légiférée. D'accord? Comme le tabdir. Le tabdir, c'est un hukmun shar'i. Ou le tafsir, c'est un hukmun shar'i. Ou le takfir, c'est un hukmun shar'i. C'est une sentence qui est légiférée. Donc il dit « At-takfir », certes le takfir, « sam'iyu », c'est une chose qui est entendue. Alors ça veut dire quoi? Celui qui ne connaît pas ce genre de terme, notamment dans le fixe, Samayoun, il va dire que c'est une entendue. Et cette entendue, c'est-à-dire. Samayoun, ça veut dire que c'est une chose qui est entendue dans le Coran ou dans la Sunna. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le takfir par rapport à soi-même. Je réfléchis, moi, j'aime pas ce genre de personne, donc je dis, bah, celui-là, par exemple, ceux qui mentent, eh bien, ce sont des koufars. Ça, c'est, c'est une invention. D'accord? Pour faire un takfir, il faut se baser sur un samari, c'est-à-dire sur quelque chose qui est écouté de quoi? Du Qur'an ou de la Sunna. D'accord? Il faut venir avec une preuve qui est dans le Qur'an ou dans la Sunna que cette parole ou cet acte, eh bien, c'est un kufr akbar, c'est un grand kufr. Et si je dis parole et acte et je n'ai pas dit l'article code, vous allez comprendre pourquoi après. Incha'Allah. Donc, Ibn al-Wazir a dit Inna al-Takfir, certes le Takfir, Sam'iyoun, c'est une chose entendue, c'est une chose qui doit venir du Qur'an et la Sunna. C'est pas une chose akliyoun, une chose qui est raisonnée. C'est-à-dire que par raison, moi j'estime que ceux qui font ceci, c'est des koufars, ceux qui font pas ceci, c'est, non, c'est, ceux qui font ceci, c'est toujours des musulmans, etc. Non. Je vais donner, excusez-moi, je vais vous donner encore un exemple, comme vous devez le savoir. Certaines personnes, quand ils voient des chrétiens, qu'ils ont un bon comportement, ils sont gentils, etc., et c'est une chose qui à la base est très bien, et ben ils s'étonnent, mais non, je peux pas dire quand même que c'est des mécrans qui iront en enfer, regarde, ils font du bien autour de eux, un tel, je le connais, il a fait du mal à personne, il n'est pas contre l'islam, etc. En fin de compte, lui, il va pas faire de takfir sur cette personne par sa raison, par son akl, d'accord. Or, le takfir, faire la personne sur ce chrétien ou cette chrétienne, ce n'est pas par rapport à notre raison, il faut venir par le Coran et la Sunna. Or, le Coran notamment a dit donc Allah Azzawajal a fait un takfir, il a dit le code kafir a certes fait du kufr, devenu mécréant. Le code kafir ladin qalu, ceux qui ont dit Inna Allah wal Masih ibn Maryam, ceux qui ont dit que Allah, donc Dieu avec un D majuscule, c'est le Messie, le fils de Marie, c'est-à-dire Jésus. Donc Allah Azzawajal a fait un takfir sur eux. On n'a pas à comme on va le voir dans un analyse de l'islam, à remettre en question, sinon on fera du kufr en disant non, parce que ça reviendrait à dire que Allah il s'est trompé, wa riyadh billah. D'accord. Donc, comme a dit Al-Allama ibn al-Wazir, rahimahullah, in al-takfir samayoun, mahdoun. Le takfir, c'est quelque chose qui est entendu, c'est-à-dire qu'il vient du Qur'an, la Sunna, et non pas de la raison, mahd. C'est-à-dire que c'est en aucun cas on doit faire un takfir par rapport à notre raison, mais par rapport à le Coran, la Sunna. Et en plus, donc là, il va insister encore, il va dire La matrala lil akli fihi. Il n'y a pas d'entrée pour le akl, pour la raison, dedans. C'est-à-dire que c'est pas par nos raisons qu'on va faire un takfir sur une personne ou qu'on va s'empêcher de faire un takfir sur une personne, si le takfir est mis et est pris par le Coran, la Sunna. Ensuite, il dit Et la preuve sur la mécréance, la yakun n'est pas illa samriyan qat'iyan, sauf une chose samri, donc écoutez, c'est-à-dire qui vient du Coran de la Sunna, qat'iyan net, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il ne faut pas, par exemple, que le hadith soit un hadith d'arif ou autre. D'accord ? Il faut que ça vienne d'un verset ou d'un hadith et que ça soit sûr. La nizar et fidalik, il n'y a pas de divergence dans ceci. D'accord ? Donc il n'y a pas de divergence que comme le takfir, ça se prend du coup de la sunna et non pas de la raison. Parce que si on prend la raison, on va aussi prendre les passions et les personnes qui penchent, qui ont un côté dur. Ils vont pencher par faire beaucoup de takfir, et ceux qui ont un côté doux et autre, ils vont pencher à faire très peu de takfir. Or, on fait bien attention quand on fait un takfir, un tabdir, ou même autre chose dans la religion, on ne suit pas ses passions, on ne suit pas son nefs, son cœur, on suit le Qur'an et la Sunna. Si on a un penchant vers le fait d'être dur, on fait attention à ce penchant. On ne se laisse pas attirer par ce penchant. Et sachez que le shaitan, Iblis, il n'a rien à faire de nous égarer, que ce soit par un côté ou par l'autre, ce qu'il veut, c'est nous égarer. Je m'explique. Toute chose, il y a deux extrêmes. Et soit c'est être dur, ou soit c'est l'extrême, l'inverse d'être dur, c'est être doux, trop doux, d'accord. Et le shaitan, il va tirer l'être humain par un des deux côtés afin de l'égarer jusqu'à ce qu'il tombe jusqu'à la mécréance, et peu lui importe que ce soit par le côté de la dureté ou par le côté de la facilité. D'accord ? Donc on fait bien attention à ça. On ne se fait pas leurrer par le shaitan et par nos nefs, par nous-mêmes. Et quand on fait, que ce soit un takfir, un tabdir ou autre, on prend toujours le Qur'an et la Sunna et nous, on s'efface. D'accord ? Cette parole de Ibn al-Wazir, vous trouvez dans son livre Al-Awasim, au volume 4, à la page 178. Ensuite, je vais citer un autre savant qui est décédé en 771 de la Hijra. Vous remarquerez que j'essaie toujours de citer des savants qui ne sont pas de notre époque afin qu'il n'y ait pas de divergence et de ne pas dire « oui, mais ça c'est ton cher à toi de cette époque ». Donc j'essaie toujours de prendre des savants qui sont avant de notre époque-ci, d'accord ? Pour pas qu'il y ait de personnes qui viennent de dire « oui, mais ça c'est ton cher à toi » ou quoi, Comme ça, personne ne peut remettre en doute la parole de ces savants. Barakallahu fikoum. Donc, As-Subki, rahimahullah, a dit ceci. At-takfirun hukmun shar'iyun. Donc, il est décédé en 771. Donc, même si d'autres savants l'ont dit après, lui, il a déjà dit, et bien, il y a eu sûrement d'autres savants qui l'ont dit avant, en 771, l'imam As-Subki, rahimahullah, a dit ceci. At-takfiru hukmun shar'iyun. Le takfir, dont on décrit quelqu'un de mécréant, hukmun shar'iyun, est une sentence qui est légiférée. Légiféré dans l'islam, c'est quelque chose qui est légiféré. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de takfir dans l'islam, voilà, il a enlevé quelque chose qui appartient à l'islam. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de prière en islam, il n'y a pas de jeûne en islam, il n'y a pas de mariage en islam, faites zina, faites ce que vous voulez, voilà, celui qui dit qu'il n'y a pas de takfir dans l'islam, il vient d'enlever une chose qui appartient à l'islam. Le takfir fait partie de l'islam. Donc il a dit at-takfir hukm shar'i. Le takfir, c'est une sentence qui est légiférée. Sababuhu, sa cause, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on fait un takfir? جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة. C'est le fait de renier, d'accord, الربوبية, donc la seigneurie d'Allah عز وجل, comme le fait de renier que Allah est le seul à avoir créé les cieux et la terre. أو الوحدانية, أو الوحدانية, quand il veut dire الوحدانية, il veut dire ici الإلهية, donc c'est-à-dire que de renier comme quoi seul Allah عز وجل a droit à l'adoration. Quelqu'un qui veut dire non, d'autres personnes ont droit à l'adoration, on l'a dit بالله, donc ça c'est du kouf. أو الرسالة, ou de renier الرسالة, le message. Et ça englobe notamment les lois. Quelqu'un qui va renier, par exemple, l'obligation de la prière, etc. Et ensuite, il dit une chose, écoutez bien, ou une parole ou un acte. Vous avez bien entendu, un acte, contrairement à ce que disent certains murji'a. Une parole ou un acte. Une parole, quelqu'un qui dit une parole peut, par cette parole même, sans même regarder sa akhida, sa croyance, peut être mécréante, d'une grande mécréance, comme on va le voir notamment avec l'istihza, le fait de se moquer d'Allah azawajal, ou de son prophète, ou de quelque chose de la religion qui est connu par tout le monde. Si quelqu'un fait ce moque là, c'est une parole, il devient mécréant et n'a pas l'excuse de l'ignorance, comme on va le voir, mais comme c'est dans le Coran, on va le voir, Inch'Allah. C'est une parole ou un acte, comme par exemple un acte, même si la personne, sans regarder sa croyance. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien donner. Une personne se dit musulmane. Il dit la shahada. Il prend le mushaf, c'est-à-dire le Coran. Entre parenthèses, normalement, le livre, vous savez, le livre où il y a les feuilles, où il y a le Coran dedans, on dit que ça, c'est un mushaf. Et normalement, le Coran, c'est kalamullah, c'est la parole, c'est ce qui est écrit. D'accord ? Normalement, il faut ne pas dire pour le livre Coran. Mais on dit le Coran par rapport à la parole d'Allah azawajal, et on dit mushaf par rapport au livre, parce que Mushaf vient du le mim et un rajout, il reste le sa, le ha, le fa, d'accord, mis sahafi, sahoufiyoun, les journalistes, son nom safra, la page. Et Mushaf, c'est en fin de compte, c'est un recueil de pages, d'accord, un feuillet. Donc une personne prend un Mushaf, comme on dit en français, un Coran, d'accord, un livre où il y a le Coran dedans, et il le jette par terre et il le piétine avec son pied. Ceci est un acte. Question, est-ce que cette personne est mécréante ou pas? En sachant bien sûr qu'il n'est pas majnoun, il n'est pas fou, il est balir, il est pubère, donc il est responsable de ses paroles et de ses actes, il n'est pas moukra, c'est-à-dire qu'on ne menace pas de mort pour faire ceci, donc il fait cet acte-là. Est-ce qu'il est mécréant ou pas, ou est-ce qu'il faut voir sa akhida? Et je rajoute que cette personne-là dit, il va venir avec une ambiguïté, il va dire, vous voyez ce que je fais? Ce n'est pas la parole d'Allah que je piétine, mais c'est seulement les feuilles, le papier. Parce que le papier, c'est quelque chose de créé. Par contre, la parole d'Allah, c'est un créé, et sans fin de compte, je ne fais que piétiner le papier, et non pas la parole d'Allah, azawajal. Alors certains, parmi ceux qui sont à penchant vers les Irja, ils vont faire attention, il ne faut pas faire de takfir. Cette personne a fait un acte de mécréance. Et en fin de compte, il est en train de se moquer de l'assemblée en essayant de faire croire comme quoi c'est seulement le papier. Voilà, yaz billah. D'accord ? Et ça, c'est un acte. Donc, cet acte-là, c'est un acte de mécréance. Même s'il prétend que sa akida est bonne envers le Coran ou quoi, cet acte-là nous prouve le contraire. Ensuite, « Je continue la parole de l'imam As-Subki rahimahullah. Donc il a dit donc le takfir c'est un hukm shar'i, c'est une sentence légiférée. Sa cause, on l'a vu, le fait de renier le rububiyya ou le wahdaniyya ou ar-risala. Ensuite il dit, donc ça c'est par rapport à la croyance, ensuite il dit au qawlun ou une parole, au fi'lun ou un acte, hakam ash-shari'u bi annahu kufr. Donc le shari'u, donc c'est le législateur, donc c'est Allah, a jugé bi annahu kufr que c'est une mécréance. C'est-à-dire que cette parole ou cet acte, c'est la mécréance. Et il continue pour bien expliquer, l'imam Subki, wa in lam yakun jahida, et même s'il n'est pas à renier, d'accord, et même s'il n'est pas à faire du juhoud. Donc cette savante-là, il dit bien qu'une personne peut devenir kafir mécréant, faire du kufr akbar, même s'il n'a pas de juhoud, même s'il n'a pas de reniement en lui. D'accord, ça c'est dans son livre de Fatawa, au numéro 2, à la page 586. Et je vais m'arrêter là, Inch'Allah, la notation. Et la notation n'est pas finie, on continuera demain, Inch'Allah. C'est possible qu'on finisse demain les annotations, peut-être que ça prendra plus. Et notamment demain, Inch'Allah, on étudiera les Iqamatul Hujja, le fait de mettre en place l'argument. Et c'est le fait de mettre en place les conditions du takfir al-mu'ayyan sur une personne précise, quand on va parler un petit peu du le fait d'un takfir al-umum ou takfir al-ta'yin, sur une personne précise qui sont au nombre de 7. Et contrairement à certains qui n'arrêtent pas de dire, faut faire attention au takfir, ne fais pas de takfir, il y a des conditions pour faire le takfir, il y a des mawanir, il y a des interdictions pour le takfir, qui n'arrêtent pas de dire de ça dans leurs cours, dans leurs livres, tout ça, mais qui sont incapables d'enseigner aux musulmans leur religion en disant, ben venez, on va maintenant étudier les conditions et les interdictions, comme ça vous saurez comment faire. Eh bien nous, on va le faire, Inch'Allah, on va suivre les véritables savants qui disent aux musulmans, attention, quand vous faites takfir, il faut avoir des conditions et il y a des interdictions. Eh bien, nous, on va les étudier. On va voir c'est quoi ces conditions du takfir, qui sont nombre 7, et c'est quoi ces interdictions du takfir. Pas seulement dire qu'il y a comme disent certains, qui disent toujours, comme ils disent dans leur cours ou quoi, il y a des conditions, il y a des interdictions, ne faites pas de takfir, mais par contre, ils sont incapables de les citer, de les donner et d'enseigner aux gens ce que sont ces conditions et ces interdictions. Wallahu a'lam, et Dieu est plus savant. On est rentré dans un sujet qui tient à cœur beaucoup de musulmans et de musulmanes, qui est le takfir. J'ai pas fini mon introduction. Je vais vous donner la parole, plutôt l'écriture. Je vais vous demander de faire, justement, par rapport au cours de fiqh, de faire un saum. Hein, c'est quoi dire saum linguistiquement? Siyam, donc c'est un imsak, de se retenir. Donc, essayez de vous retenir et de pas, comme vous le comprenez, de, pour tous, mais pour certains, de ne pas vous laisser aller à dire, à vous exprimer par des choses qui pourront être, comment dirais-je, désagréables. Donc, comme toujours, je l'ai dit, si vous avez maintenant des questions sur le cours que je viens de dire, sur les choses que je viens de donner, des questions sur les choses que je viens de donner, vous pouvez, si c'est sur autre chose, ce n'est pas maintenant. Par exemple, si quelqu'un me pose la question, bah, c'est quoi les conditions textuelles et les interdictions, bah, je lui dirais, bah, écoute, c'est demain, Inch'Allah, qu'on va commencer à l'étudier, ou autre. Ou quelqu'un qui veut faire des annotations, je vous demanderai de vous retenir. Barakallahu fikoum. Je vous donne l'écriture, Inch'Allah. Pour repère de sèche, voilà comme ça me parle la cadouce. Donc, les annotations commencent. Merci de poser des questions sur le cours. Barakallahu fikoum. Apparemment, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, ben, on va clore le cours ici, Inch'Allah. Donc Abou Mourad dit pour l'exemple que vous avez donné de la personne qui écrase les versets, Donc après, c'est la traduction d'un verset justement qu'on va étudier dans une annulation de l'islam où c'est ce verset-là qui est la preuve. Est-ce d'Allah de ces versets, c'est-à-dire le Coran et de son magie que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Soit du repentir, verset 65-66, comme l'a cité Abu Mourad. Jazakallahu khayran, qu'Allah le récompense en bien. Et demande si ce verset parle de ceci ou pas. Oui, bien que quand il va piétiner le Coran, même s'il rigole pas, même s'il fait pas il rigole pas, en fin de compte ça rentre dans ceci. Mais au lieu d'avoir fait avec la parole, il a fait avec le geste. Zabou demande, le terme takfir veut dire quoi? Donc je vais le répéter, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, c'est très important. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'arabe, le mot takfir, linguistiquement, donc ça vient du verbe, c'est ce qu'on appelle masdar, ou al masdar min al-fir, kaffara, yukaffiru, ay, hakama ala wahid, bianahu kafir. Donc ça vient du verbe kaffara yukaffiru, kaffara au passé, bitashdid al-fa. Et yukaffiru, au présent. Qui veut dire quoi? C'est-à-dire de dire d'une personne qu'il est mécréante. D'une personne qu'elle est mécréante. Je vais donner un exemple simple. On va prendre par exemple une personne que tout le monde connaît en France, François Hollande. Je déclare que François Hollande est mécréant. Je dis qu'il est un kafir. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire un takfir sur lui. J'ai fait un takfir sur lui. Pourquoi? Parce que je déclarais que cette personne-là est mécréante. D'accord? Je vais prendre un deuxième exemple et après vous allez comprendre pourquoi je prends deux exemples, ces deux exemples-là. L'autre, je vais prendre une autre personne qui s'appelle, par exemple, le recteur de la grande mosquée de Paris, d'Ali Boubacar, et je dis, lui, c'est un kafir, de la grande mécréance. D'accord? C'est un mécréant. J'ai fait un takfir sur lui. J'ai fait un takfir sur François Hollande et j'ai fait un takfir sur un de ses sbires qui est d'Ali Boubacar, le recteur de la grande mosquée de Paris. J'ai fait deux takfirs là. D'accord? Le takfir de François Hollande, il est très simple parce que François Hollande, il ne se prétend pas musulman. Donc il est kafir. D'accord? Celui qui n'est pas musulman, il est kafir. Et il n'y a pas de problème sur ça. On y reviendra d'ailleurs un petit peu, Inch'Allah. Et j'ai fait un takfir. Pour d'Ali Boubacar, c'est autre chose. Parce que lui, il se prétend musulman et il atteste des deux shahadas. Seulement, j'estime par rapport à certaines paroles qu'il a eues. Et je sais qu'il n'était pas moukra, qu'il n'était pas menacé de mort, etc. Comme on verra les conditions, les interdictions, que les paroles de mécréance, de grande mécréance qu'il a eues, eh bien, ça l'a fait sortir de l'islam. Donc j'ai fait un takfir. Pourquoi j'ai pris ces deux exemples? Parce que contrairement à ce que certains peuvent croire, un takfir ne veut pas dire littéralement faire sortir un musulman de l'islam. Non. Le takfir, c'est de déclarer d'une personne, qui se déclare lui-même musulman ou pas, qu'elle est mécréante. Quand on fait un takfir sur une personne qui se déclare musulmane ou qui s'est déjà déclarée musulmane mais après qui est apostasiée, c'est un takfir et en plus, cette personne, on dit que c'est un murtad, un apostat. D'accord? Donc le takfir, ça veut dire ça. Ça veut dire de déclarer une personne qu'elle est kafir, qu'elle est mécréante. Que ce soit un mécréant d'origine ou un apostat. Non. Abdillah Tarouchia, Walaikum salam wa barakatou. Vous pouvez relire la dernière session sur le takfir avec les sentences légiférées. Oui, je peux la relire. Alors, c'était de l'imam al-Subki, si je me rappelle bien. Rahimahullah. Oui. Qala al-Subki, Rahimahullah. Al-Mutawaffa, sanata 700. Donc c'est un savant qui est décédé en 771 de la Hijra. Donc c'est pas notre époque, hein. Ça fait beaucoup de siècles. Il a dit At-takfiru hukmun shar'iyun. Le takfir est une sentence légiférée. Sababuhu, sa cause, jahadul rububiyya, le fait de renier al-rububiyya, la seigneurie d'Allah. Aw al-wahdaniyya, ou le fait donc de renier al-wahdaniyya, l'unicité de seigneur dans al-uluhiya, dans la divinité, c'est-à-dire dans al-ribada, dans l'adoration. Ah oui, risala, ou donc de renier, al-risala, le message. D'accord? Donc c'est tout ce qui comprend le message, donc ça englobe tout ce qui est le prophète, et pourquoi il est venu, c'est-à-dire à révéler, à propager la religion, donc les lois. Et ensuite il dit, c'est quoi le takfir aussi? Les causes du takfir, au kaulun, ou une parole, au fi'loun, ou un acte, parce que fi'l c'est comme un ramal, c'est le même sens. Hein. Fi'loun, un acte, حكم الشارع dont le législateur a charia dans le sens où le fixe c'est qui? C'est Allah Azzawajal. Donc le Allah Azzawajal hakama a fait comme sentence de quoi? Bi annahu kufr, que c'est un kufr, c'est une mécréance, que cette parole ou que cet acte était une mécréance. Et ensuite il dit bien wa in lam yakun jahida, et même s'il n'est pas à renier à faire du juhud, même s'il fait du juhud, même soit qu'il fait une parole ou un acte de mécréance, même s'il fait pas de juhud, même s'il fait pas de reniement, eh bien c'est un kaf, on fait un takfir sur lui. Voilà, voilà, c'est sa parole. Alors, Toto 12 demande, c'est sur le takfir. Peut-être qu'il vaut mieux que je pose la main. Que je la pose demain. Si c'est une question par rapport à ce qu'on vient de dire aujourd'hui, vous pouvez la poser maintenant. Donc, quand on dit un tel est un takfiriste, un takfiriste, c'est quelqu'un qui dit des autres qu'un tel est mécréant, si j'ai bien compris. Alors, voilà. À notre époque, certains ont dit, inventer un nouveau nom pour accuser des gens qui, à tort ou à raison, d'accord, exagèrent dans le takfir, ils ont dit c'est takfiri. Et donc takfiri, c'est pas quelqu'un qui fait du takfiri, c'est quelqu'un qui exagère dans le takfir, c'est-à-dire qu'ils veulent dire ça. C'est quelqu'un qui exagère dans le takfir, c'est-à-dire qu'il va faire du takfir sur beaucoup de gens et sur des gens qui ne méritent pas le takfir. Comme par exemple, c'était le cas, et c'est toujours le cas, de ce qu'on appelle el-khawarij. Al-Khawarij, qui était parmi leur akida, leur croyance, que toute personne qui fait un grand péché est un kafir. Pour eux, pour ceux qui boivent l'alcool, même s'ils ne renient pas son interdiction, le fait de simplement boire l'alcool, c'est un kafir. Soit qui fait zina, c'est un kafir, soit qui ment, c'est un kafir, soit qui fait riba, c'est un kafir. Donc voilà. Donc ils ont exagéré dans le takfir. D'accord ? Donc quand certains disent lui, c'est un takfir, c'est-à-dire qu'il veut dire il exagère dans le takfir. Alors, une question par rapport au takfir lors du shirk. Allez-y, posez la question, je vais voir, Inch'Allah. Mais là, on est parti pour Al-Nawqa de l'Islam, hein, pour les annulatifs de l'Islam. On est parti pour pas mal de cours, ça se trouve, ça va venir. Mais si vous pensez que c'est par rapport au cours, allez-y. En attendant, s'il y a des questions, ou si la personne là qui vient, Toto 12, veut poser sa question, comme on va voir, parmi les 10 annulatifs de l'islam que le cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah va citer et qu'on va étudier, Inch'Allah, il y a, à titre d'exemple, il y a par exemple Assir, la magie. D'accord. Donc maintenant, par exemple, ne posez pas de questions sur la magie et la sorcellerie, ça va venir. Ou comme par exemple, je sais pas moi, le fait d'aider les mouchékines, donc les associateurs, donc les mécréants, contre les musulmans. Posez pas cette question-là maintenant, ça va venir. Ah, voilà la question. Partant du principe que celui qui commet du shirk n'a pas l'excuse de l'ignorance. Ah, voilà. Donc, le problème de l'excuse de l'ignorance... Le problème de l'ignorance, on va l'étudier, d'accord. Donc ça, Inch'Allah, ça va demain ou après-demain, je pense, on va en parler de l'excuse de l'ignorance et on va en parler justement en détail avec ce problème de l'excuse de l'ignorance. Quels sont les coufres auxquels il y a l'excuse de l'ignorance et quels sont les coufres qui n'ont pas l'excuse de l'ignorance et les degrés de l'excuse de l'ignorance. Inch'Allah, et tout ça va se mettre en place, Inch'Allah, bien, avec notamment, comme j'ai mis avec des paroles de savants et pas de maintenant d'avant, comme ça il n'y aura pas de divergence. On va dire, cher que tu suis, moi je suis pas ton cher ou quoi, ça va être des savants d'avant, Inch'Allah. Et comment dirais-je, ça va venir. Et là, passe pas avec les questions-réponses que je fais maintenant que tout va bien être compris par rapport à ce problème qui est Masalatu al-Ouz Bidjar, le problème de l'excuse de l'ignorance. Barakallahu fikoum, donc patientez un petit peu, ça va venir, Inch'Allah. Alors, la question, est-ce qu'un nouveau converti à l'islam commet du shirk en est concerné, de même qu'une personne n'ayant pas accès au ilm? Eh bien, on va en parler, Inch'Allah, ça demande à développer et ça va venir, Inch'Allah. Donc, voilà, revenez demain ou après-demain, Inch'Allah, je pense que ça, demain, après-demain, ça va venir. Et aussi, notamment, on va en parler demain, après-demain, Inch'Allah, et on va aussi, normalement, en parler, donc je ne sais pas dans combien de jours, à la fin de Nawaq de l'Islam, je vais en reparler, Inch'Allah, notamment à la dernière annulatif qui est Al-Irad an Dinillah, le fait de se détourner de la religion d'Allah. Donc là aussi, on va parler de l'excuse de l'ignorance et donc tout va bien se mettre en ordre, inshallah. Alors, Anfal demande, le savant dont vous avez cité la parole, c'est bien Taqi Uddin Essoubki. Alors, Inch'Allah pour vous répondre ça exactement. Je vais vous répondre, Inch'Allah, je vais faire juste une petite recherche. Zabou demande qu'est-ce que le ilm, la ilm, la science, la connaissance. On va inshallah le voir bientôt, quel est le sens voulu par la connaissance. Alors. Voilà, excuse-moi, donc là je reviens. Donc j'ai fait la recherche par rapport à ce que demande Anfal. Ce n'est pas Taqiyuddin, mais c'est Tajuddin Asubki, d'accord. D'ailleurs, apparemment, comme a dit Al-Kassani, a dit. Donc, je crois que c'est Tajuddin Asubki. C'est pas Taqiyuddin. Exact. C'est Tajuddin. Il s'appelle Abu Nas Tajuddin Abdul Wahhab ibn Ali ibn Abdul Kafi As-Subki. Il est né en 1727 et décédé, comme je l'avais dit, en 1771, Faqihun Shafiri. C'est un savant dans le fiqh du Mazhab Shafiri. Mu'arrikh, c'est un historien aussi arabe. Waqadil Quda fi Dimashq. Il était, donc As-Subki, Qadil Quda fi Dimashq. Donc à Damas, il était ce qu'on appelle Qadil Quda, le juge des juges, c'est-à-dire qu'il avait la plus haute responsabilité parmi les juges. D'accord, c'est le plus grand juge qu'il y avait, celui qui supervisait les autres juges à Damas. Et après, voilà, c'est lui, c'est Tajuddin As-Subki, et non pas Taqiyuddin As-Subki, parce que Taqiyuddin As-Subki, lui par contre, il avait un problème, c'était un faqih Shafiri soufi, c'était un soufi. Et il avait un problème dans l'ancienneté al-Mantiqi, donc voilà. C'est bien Tajuddin, hein, et non pas Taqiyuddin As-Subki. C'est Tajuddin As-Subki, Qadil Quda fi Dimashq. Voilà. Donc, Abu Mohammed, Takfir al-Hukm al-Shari est une adhérence avec laquelle on s'en va. Mohamed ne pose pas de questions, mais fait des annotations. Alors Zabou demande, est-ce qu'il est vrai que par exemple si un chrétien me demande où se trouve l'église et que je lui indique le chemin, j'aurai donc fait un acte de mécréance? Non, pas exactement. Non. Ça se trouve, on ne sait pas déjà pourquoi il demande l'église. On peut se douter, mais bon. Est-ce que le fait de laisser une église ouverte et donc de laisser la possibilité aux chrétiens de pratiquer leur religion, d'accord, demander aux musulmans de ne pas s'attaquer à l'église, c'est de la mécréance? Parce que sachez que dans la Sharia, notamment les églises qui ont été construites avant que le. Qui sont très anciennes, d'accord. Quand par exemple Moudjahidine, ils prennent une ville et qu'il y a ces églises-là qui ont été anciennes et qu'ils les laissent sur ceci, eh bien le gouverneur musulman ne laisse ces églises ouvertes, comme faisait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, par exemple, au Shem, d'accord, laissé ouverte, donc ils laissaient la possibilité, ils n'interdisaient pas aux chrétiens d'aller faire leurs adorations dans leurs églises, d'accord. Est-ce que Omar ibn Khattab était un mécréant parce qu'il laissait et il avait légiféré comme quoi il fallait laisser les mécréants aller adorer, faire leur adoration dans les églises et qu'on n'avait pas le droit de s'interposer? Faire attention à l'exagération du takfir des frères et des sœurs. Est-ce que l'on peut s'attacher du chic et des mouchikines? Alors, là, il est là. Donc apparemment, il n'y a plus de questions sur le cours que j'ai donné. Barakallahu fik, je me répète, mais j'aimerais bien qu'il y ait des questions seulement sur le cours et pas sur autre chose. Barakallahu fikoum. Donc, je vous dis à demain, Inch'Allah, pour continuer ceci et pour étudier plus ou moins en détail les actes qui annulent l'islam. Et je vous remercie encore d'être présent au cours. Barakallahu fikoum. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.